suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi? Roman, BD, livre pour enfants, documentaire ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une 7e ou 8e année à parler de livres et autres, mais surtout de livres, à lire ce soir avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Alors, qui ou quoi, première émission de la nouvelle saison 2024-2025, qui ou quoi, toujours avec Axel au micro et Benjamin. Bonsoir Benjamin. Salut Axel. Alors, je vais expliquer un petit peu, c'est la première émission depuis un certain temps. Et donc, je me rends compte que j'ai presque un petit peu oublié tout. Bon, toi, tu n'es pas dans les studios, tu es... Non. Tu as de la chance et en même temps pas de chance. Et en fait, je me rends compte que j'ai un petit peu oublié tous mes automatismes. Donc, j'ai oublié pas mal de trucs, mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les réflexes ont l'air de tenir bon. Donc, bonsoir Benjamin. Bonsoir Axel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, ben, on continue à parler de bouquins, comme d'habitude. C'est ça. Bon alors, est-ce qu'on peut expliquer la longue césure qu'il y a eu entre la dernière émission et aujourd'hui ? Je ne sais pas vraiment. Enfin bon, on a déjà eu pas mal de mal à lire des livres, hein, tout simplement. Mm-hmm. Je crois qu'on peut dire ça. Ensuite, on a eu du mal à se relancer après les vacances. Et puis après, bon, il y a eu plusieurs péripéties. Mais on est de retour donc en décembre. On va essayer quand même de faire 5-6 émissions quand même cette année. C'est-à-dire, on prend presque on s'engage presque à finir la saison. Bref, ce soir, ben, on va essayer, enfin, je dis à chaque fois essayer, mais on va vous parler de quelques livres. Alors, moi, je vais vous parler du livre Punk ouvrier de Didier Vampasse. Et toi, tu vas nous parler de... Je vais vous parler du Bal des Folles de Victor Yamas et de Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. D'accord. Eh ben, ça m'a l'air très bien tout ça. On lance les musiques de fond, un petit bout de générique avant et puis... musique de fond et c'est parti. Alors, de la pertinence aussi de garder ces musiques de fond. Un jour, il faudra peut-être qu'on fasse une réunion pour essayer de changer peut-être le générique ou les musiques de fond. Sache d'ailleurs, Benjamin, je le dis bon, un peu comme si on n'avait pas d'auditeur, mais au tout départ, j'avais prévu d'utiliser un disque à toi pour les musiques de fond qui est le Music for Babies. Ah oui. Mais j'ai jamais concrétisé. Il faudrait que tu me repasses le CD ou enfin bon, que je m'organise pour le récupérer, etc. Pour qu'on fasse ça comme ouais. C'était prévu au tout début. Musique Bref. De Raymond Scott. Ouais, voilà. Donc je vais commencer. C'est moi Allez. Qui vais commencer. Tu me laisses l'honneur. Je te laisse l'honneur. Voilà. Alors n'hésite pas à rebondir si tu as des choses à dire. Bon, je vais sûrement te poser quelques questions et je te connais, tu vas être fort pertinent en m'y répondant. Donc moi, je vais vous parler du livre de Didier Vampasse, Punk ouvrier, paru chez Harper & Collins. Alors en fait, j'ai pas grand chose à raconter sur tout ce qui est autour de ce livre, à savoir depuis quand. Des trucs sur l'éditeur, par exemple Harper & Collins, pour moi c'était un éditeur de dictionnaire. Donc voilà, je sais pas dire de quand le livre date, je crois, enfin de pas longtemps. En fait, j'avais pas spécialement prévu d'en parler à cette émission, j'avais prévu de parler de bande dessinée. Mais bon, pour la bande dessinée, ben je vous renvoie à l'émission, une autre émission de Radio Dio qui s'appelle Au Rieur Sanglier. qui ne parle que de BD. Malheureusement, j'ai la grille sous les yeux. C'est le mercredi. Voilà, le mercredi à 10h du matin, le troisième mercredi du mois, au Rieur Sanglier, qui fait que des chroniques BD. Pour les chroniques BD de Kiwukwa, il faudra peut-être attendre la prochaine émission. Je vais teaser un petit peu. Au tout départ, je voulais parler d'une BD, une BD américaine, un comics qui est un peu vieux, qui date des années 90, que j'ai réussi à lire récemment, et qui m'a d'ailleurs remis le pied à l'étrier pour lire des bandes dessinées, qui s'appelle Preacher. Bon, voilà, Preacher, de Garth Ennis. On en parlera la prochaine fois. Mais au début, j'avais prévu de parler de cette série de BD. Et puis, bon, ben, en fait, j'ai acheté ce livre de Didier Vampasse, Punk Ouvrier. Je ne sais pas s'il y a des fidèles auditeurs de la première heure, à part toi, Benjamin. mais je crois, la première émission que j'avais faite de Qui ou Quoi, j'avais parlé de la biographie du chanteur du groupe The Fall, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Renega. Et en fait, ce truc, un des trucs qui m'avait donné envie de faire l'émission Qui ou Quoi, c'était justement ces livres de musique qui sortaient il y a maintenant un peu une dizaine d'années, un petit peu moins. Et donc c'était un peu dans l'ADN de l'émission, c'est pour ça que je continue à en acheter, je ne les lis pas forcément, mais dernièrement, j'ai acheté cette biographie de Didier Vampasse, Punk Ouvrier, en bon fan des Vampasse. C'est-à-dire que, comme d'habitude, à chaque émission, je vais un petit peu raconter ma vie. Justement, je voulais poser la question, je voulais en discuter avec toi. Qu'est-ce que c'est être fan? J'espère que tu as bossé ta copie. Je t'avais prévenu que je te la poserais, celle-là. Est-ce que être fan, c'est avoir un tatouage du groupe sur la cheville, par exemple? Ouais. ou sur le bras, d'ailleurs. Soit dit, le tatouage un peu n'importe où. Est-ce que c'est les avoir vus 25 fois en concert? Est-ce que on passe tout à son groupe préféré? Est-ce qu'on les aime toute la vie, etc., etc. Bon, toujours est-il que, même si moi, je ne me suis jamais considéré comme un énorme fan des Vampasse, force est de constater que je les ai vus un nombre incalculable de fois, que je suis même allé dans ma passion pour eux. Il se trouve que pendant un moment, j'ai pu habiter à Paris, et à l'époque, ils répétaient à Paris 3 fois par semaine. Donc, ils avaient invité les fans à venir aux répétitions. En fait, le truc, c'était que ça a vraiment correspondu, c'était au début des années 2000, ça a correspondu à l'essor de ce qu'on appelait les forums et tout ça, quoi. Et qu'il y avait un forum des Vampasse sur lequel les Vampasse étaient, et ils étaient assidus, pas forcément actifs, mais assez assidus, ils lisaient leurs trucs, et ça avait vraiment créé un truc avec les fans, et les Parisiens pouvaient débarquer aux répètes avec le groupe. Alors on se mettait dans un coin sur un canapé, et on les regardait répéter leurs trucs, ils nous parlaient un petit peu, ils se faisaient leurs blagues entre eux, etc., etc., en préparant leur concert du week-end, voire des albums, je crois que j'y suis allé une fois, une ou deux fois, je me souviens plus, mais bon, ça commence à faire quand même un peu, à avoir un peu les atours du fan. J'ai pas tout, mais puis au bout d'un moment, comme d'habitude, moi j'ai un peu lâché le truc. Je me suis un peu éloigné, les disques me plaisaient moins, etc. Mais bon, j'ai toujours un peu cette sympathie. Et cet amour, en fait, un petit peu d'amour quand même, j'ai jamais renié le truc pour les Vampasse. Et donc j'ai vu que cette biographie sortait, je me suis dit pourquoi pas l'acheter pour l'émission pour l'émission tout court. Je l'ai acheté, ça fait un petit moment déjà que je l'ai acheté, mais il se trouve que je l'ai ouvert cette semaine, et 3 jours avant l'émission, je me dis je crois que j'ai envie de parler de ça. Parce que, je suis tombé dedans. Alors là, c'est là qu'on... je vais vous faire un petit historique des Vampasse, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ne connaissent pas, je pense. Les Vampasse, c'est... Alors moi, j'ai des enfants, donc techniquement, c'est un groupe de vieux qui ont fait partie de la vague du rock alternatif. Ils étaient là au tout début, des années 80, en même temps que les Berruriers Noirs, la Mano Negra, etc., etc. Mais sauf qu'eux, ils n'ont jamais lâché l'affaire, ils ne se sont jamais séparés. Tout ça tient en partie à la personnalité et à du chanteur Didier Vampasse. Donc le livre, en fait, c'est Didier Vampasse qui l'écrit. Alors avec la collaboration de Christian Eudeline, qui est le frère de Patrick Eudeline. Hein. Alors c'est je ne sais pas si... Oui ? Non, je disais c'est ça, je ponctuais. Il était ? Je ponctuais. Oui, il est le frère de Patrick Eudeline, ouais. Fameux chroniqueur de rock and folk qui a été dans un groupe punk français, il m'entendra pas, mais qui se prend pas pour de la merde et qui est un peu en train de virer bien à droite, de ce que j'en ai suivi de ses affaires. Et Christian Eudeline, lui, il a écrit. D'ailleurs, je crois que j'avais parlé d'un livre de lui. À cette antenne, je crois avoir chroniqué un livre qui s'appelle Anti-Yéyé, qu'il avait écrit sur les précurseurs du rock en France, Antoine et autres problèmes, Charlot, etc., qui était pas mal du tout. Et je crois que j'en ai parlé à cette antenne, mais je ne suis pas sûr. C'est Christian Eudeline, lui, au contraire, lui, c'est plutôt un écrivain et il aime écrire des livres sur le rock. Il a écrit une anthologie sur sur le hard rock, avec un parcours pour découvrir le hard rock du début jusqu'à nos jours, des livres sur les yéyés en France, etc., etc. Et donc le livre est écrit avec la collaboration de Patrick Eudeline. Bon, j'ai l'impression qu'il a surtout fait la préface, mais peut-être qu'il a aussi aidé à écrire. L'idée du livre, c'est Didier Vampasse qui raconte son parcours musical, comment il a créé les Vampasse avec ses potes, comment il l'a vécu, et de chapitre en chapitre, l'histoire du groupe avance. Le truc, c'est que il y a pas mal de paroles de chansons qui sont reprises. Et pour en dessous de chaque chanson, une petite anecdote qui explique d'où les paroles sont sorties, quoi. Un peu comme si donc les paroles des chansons des Vampasse étaient des œuvres littéraires à part entière. Et puis en dessous, plutôt l'histoire du rock'n'roll, mais par le petit bout de la lorgnette, quoi. Donc ça n'a qu'un intérêt vraiment très très minime, j'ai envie de dire. Mais voilà, je redis, force est de constater, je suis tombé dedans et moi j'adore, mais parce que ça tient aussi énormément à la personnalité de Didier Vampasse, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément de par ses valeurs, les valeurs pour lesquelles il fait de la musique, ses goûts, sa personnalité, les concerts qu'il a pu me donner. Juste, je me disais en préparant l'émission, justement, en y pensant en tout cas, que c'est vrai que les Vampasse en concert, la première fois que je les ai vus, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Et c'est un concert qui m'a profondément marqué, où je me souviens avoir eu tellement chaud d'avoir pogoté dans cette salle bondée que j'en avais essoré mon pantalon de sueur, quoi. Et je crois que toi aussi, c'était assez marquant la première fois que tu les as vus. C'est à peu près ça, ouais. Je me souviens effectivement avoir essoré mes fringues, sous-vêtements compris, à la sortie du concert, tellement c'était chaud. Alors en même temps, c'est rigolo, ça reprend un peu le nom d'un de leurs lives qui s'appelait Chaud, sale et humide. Et effectivement, moi, ma première expérience d'un concert des Vampasse, ça a été celle-ci, de ressortir trempé de sueur. Et voilà, c'était cool. Oui, voilà. Et en fait, ça pourrait être juste de la nostalgie de justement ce truc de jeunesse qui était complètement dingue. Ces concerts, cette communion pendant les concerts, le fait que Didier Vampasse faisait un peu n'importe quoi, hein, on peut le dire. Je me souviens, je fais de la pub au Vampasse, là c'est le fan qui parle. Hein. C'est dans les Inrecuptibles, qui était vraiment pas spécialement pro-Vampasse à l'époque, et je pense qu'ils le sont toujours pas. Mais en tout cas, ils avaient fait paraître un courrier de lecteur où il y avait un lecteur qui disait qu'il avait vu les Vampas sur une scène pas possible devant une grande surface où en fait Didier Vampas était monté sur le camion, enfin que c'était n'importe quoi. Il avait vraiment ce qu'il fait d'habitude, quoi. Et que le mec regrettait qu'on lui avait dit que si tu veux voir le rock'n'roll, il faut que tu ailles voir Iggy Pop. Et qu'à l'époque, il disait mais en fait, j'ai regretté. Si tu veux voir le rock'n'roll, il faut voir les Vampas, quoi, point barre. Et moi, pendant très longtemps, je pensais exactement la même chose. Je le pense encore, même si c'est toi, de nous deux, qui les a vus le plus récemment. Alors, les Vampas, peut-être pas, mais effectivement, j'ai vu Didier Vampas sur scène avec un autre de ses projets qui s'appelle Sugar and Tiger, et où il a fait, voilà, un peu comme d'habitude, une pile de trucs, un empilement de trucs improbables sur lequel t'as surtout pas envie de monter parce que ça paraît pas stable, sauf que lui le fait. Et pour rejoindre ce que tu dis sur le côté rock'n'roll, en fait, ce mec, il a ce truc-là de... Il y a toujours une part de danger, entre guillemets, avec Didier Vampas. Alors le danger, la plupart du temps, c'est lui qui le prend en se mettant en équilibre sur des trucs qui n'ont pas l'air vraiment stables. Mais t'as toujours... C'est une notion importante, cette mise en danger-là, même si ça peut paraître un peu couillon... de dire ouais super, il est monté sur une barrière police, bonjour le rock'n'roll. Mais en attendant, tu regardes le concert en te demandant toujours si le concert va aller jusqu'au bout ou s'il va s'éclater par terre, se péter une jambe, enfin quoi que ce soit. Et ça amène un truc, vraiment. Voilà. Oui, voilà, le rock'n'roll comme si ta vie en dépendait, quoi. C'est ça. D'une manière générale, plutôt la musique comme si ta vie en dépendait. Et c'est pour ça, en fait, moi, c'est surtout pour ça que ça me touchait, je pense, pour le coup. Mais ça me touche encore. J'aime vraiment. Et en fait, autant, j'ai pas forcément envie d'écouter leur dernier disque. Bon, là, forcément, je l'ai fait. Le livre m'a donné envie d'écouter. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. Et le livre m'a tout de suite donné envie d'en parler à la radio. Donc, c'est dire que ça fonctionne un peu. Mais voilà, bon, ça reste un livre de fans. De fans pour les fans, quoi. Et donc voilà, je voulais dire que ce livre était sorti, je voulais en parler un petit peu à la radio, ça fait toujours du bien. Après, c'est vrai, j'ai préparé un peu l'émission avant que toi tu sois prêt. J'ai préparé la setlist et je vais te demander à toi là maintenant, est-ce qu'on passe un morceau des Vampas après, quoi? Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais j'avais pas prévu ça. Bref, ou alors on en passera un après l'émission. On va plutôt faire ça. Okay. Comme ça, on échangera pendant la première pause musicale pour savoir quel morceau on met. Du coup, qu'est-ce qui t'a, toi, donné envie de parler de ce bouquin? En fait, c'est le fan qui est revenu. C'est ouais. Les Vampas, c'est trop bien, allez-y, la sincérité du gars, le parcours. Après, dans l'histoire, il y a plein de petites anecdotes savoureuses pour qui est un petit peu intéressé par la période et même tout simplement par le monde de la musique vu par quelqu'un qui justement n'a pas un pied dedans de façon institutionnelle. C'est-à-dire que alors, l'histoire est connue, en tout cas au moins des fans. C'est-à-dire que Didier Vampas n'a jamais fait que de la musique. Il a toujours gardé son travail à la RATP pendant toute sa carrière de RATP, parce qu'aujourd'hui, il continue à faire de la musique, mais il n'est plus à la RATP. Il est à la retraite, en fait. Mais pendant tout le temps où il était avec les Vampas, du début jusqu'à sa retraite, il a toujours gardé son travail avec ce discours de moi je ne veux pas me soumettre à une espèce de diktat du succès, je veux juste faire ma musique le plus purement possible, le plus sincèrement possible, parce qu'il disait qu'il avait vu plein de groupes se brûler les ailes, typiquement un groupe qu'aujourd'hui tout le monde a un petit peu oublié qui s'appelle Les Satellites. Il disait Les Satellites, en fait, je les ai vus se brûler à la recherche, en fait, de la notoriété, de la respectabilité et du tube, en fait. Sauf que les Satellites, ils ont pas vraiment commencé là-dedans, mais en tout cas, c'est ce vers quoi ils voulaient aller, parce que ils voulaient gagner de l'argent, en vivre, et c'était quasi vital pour eux. Mais lui, il a toujours dit, non, moi, en fait, je garde mon taf à côté. Et puis voilà. Après, j'ai pas dans le livre, je crois pas qu'il aborde est-ce qu'il était aussi intermittent, c'est-à-dire qu'il gagnait aussi des sous. Je pense que oui, mais en tout cas, lui, Autant les autres, ils étaient intermittents et puis ils vivaient que des vents passent ou un peu de trucs à côté, même s'ils expliquent un peu de trucs à côté quand même les autres. Mais lui, en tout cas, c'était très important ce truc de la RATP et de le garder jusqu'au bout. Et après, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas sortis. Par exemple, moi, j'ai vu là, il raconte que il a fait une chanson avec Gérard Lenormand. D'accord. Qui n'est jamais sorti sur une compile où en fait bah voilà il explique c'est une période où tout le monde fait des albums de duo, lui il avait un tout petit peu de notoriété à ce moment-là et résultat la boîte de prod lui a dit bah, viens faire un duo avec Gérard Lenormand où il explique qu'en fait ils ont gueulé comme des porcs parce qu'il a une voix quand même assez spécifique. Pardon. Et ils ont gueulé comme des porcs et que il a tellement gueulé qu'il s'est cassé la voix. Alors que comme il dit, je faisais 3 répètes par semaine, on jouait quasiment tous les week-ends, je me suis jamais cassé la voix. Et en une après-midi avec Gérard Lenormand, j'ai réussi à me péter la voix, quoi. Donc des petits trucs comme ça à droite à gauche. Là, je relisais la. À un moment, ils ont été. Il explique qu'ils se sont frités avec Kyo, alors qu'en fait, il a rien contre eux. Qu'ils se sont. Ça, je me souviens là, pour le coup, c'est quand j'étais vraiment à fond vent passe sur le forum. Il avait balancé des pétards dans le dos de Dionysos, qui n'avait pas vu qui avait balancé le pétard, qui était persuadé que c'était quelqu'un du public qui l'avait fait. Et le chanteur d'Uniso s'était méga énervé en mode ouais qui a balancé ce pétard si ça continue enfin s'il se dénonce pas j'arrête le concert quoi. Et en fait Didier Vampas avait rien dit et c'est un mec du premier rang qui s'était dénoncé à sa place pour pas que le concert s'arrête, enfin bon n'importe quoi. Bref, ces trucs là que je me souviens avoir ça m'était complètement sorti de la tête, mais il en reparle. Après il explique bah justement la suite, là où moi j'ai commencé à lâcher un peu les Vampas, quand le Philippe Almonino est parti jouer avec Johnny Hallyday. Parce que de toute façon, ça payait mieux. Mais bon, il n'y a pas de rancœur, quoi. C'est normal, les vents passent, ça ne paye pas spécialement. Il met le prix, combien ça coûte de faire jouer les vents passent. Ça m'amuse toujours de savoir ce genre de choses-là. Et puis, la suite, le concert dont tu parlais, Sugar and Tiger, d'où est-ce que ça vient, jouer avec ses enfants, son groupe de Psycho, où il joue avec d'autres personnes, etc., etc. Mais bref, voilà, c'est le fan qui est revenu. Le livre est hyper anecdotique, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas un livre très important, ni dans l'histoire de la littérature. Et puis même les vents passent, bon, on verra bien. Bon, moi, en tout cas, c'est important pour mon histoire à moi. Je sais pas si ça sera important dans l'histoire du rock en France ou de la musique en France. Mais en tout cas, le livre est hyper anecdotique, mais il a quand même réveillé un truc en moi suffisamment pour que j'ai envie de le lire. Je pense que toutes les personnes fans des Vents Passent doivent le lire, ou au moins jeter un œil dessus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Ok. Voilà. J'ai aussi voulu en parler parce que, en vrai, donc comme je l'expliquais au tout départ, l'émission de radio est. C'est un petit peu dans l'ADN de l'émission de radio. On a toujours, toi et moi, l'idée de faire une spéciale sur les auditions Audimat, là, qui sont des éditions avec des super livres hyper intéressants sur la musique, qu'on n'a jamais vraiment concrétisé parce qu'on n'arrive pas à les lire. Mais bon. Et, c'est super. mais en tout cas, c'est un peu dans l'ADN de l'émission. Et en même temps. Je me souviens, pendant un moment, j'en ai lu pas mal. Et à chaque fois que j'en parlais, c'était nul, quoi. Je me souviens avoir parlé d'un livre sur Mayhem et Burzum. Non, Mayhem surtout, le groupe de black metal. C'était pas bien d'avoir parlé de la biographie du groupe punk Crass. C'était pas bien. Je sais plus si on a parlé de la biographie d'Einstürzende Neubauten. Je sais plus, mais j'y pensais, mais je ne saurais pas te dire. Voilà, mais bah, c'est pas bien. Enfin bon, si on parlait de la biographie de Didier Ramon, bah, c'est pas bien non plus, etc., etc. Et en fait, il y a tous ces groupes En fait, moi, ça me pose plein de questions parce que j'écoute beaucoup de musique, mais des trucs nouveaux, et je sais que toi aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on renie les choses desquelles on vient. Mais en tout cas, pour ce qui est des livres et de l'actualité entre guillemets des livres, bah voilà, les groupes, comme si ces livres qui ont, ces groupes qui ont passé leur apogée, bah maintenant ils commencent à écrire des livres. Et en fait, ces livres, c'est un peu du fan service pour vieux comme nous, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Voilà. Ben après, sur la notion de vieux comme nous, quand tu vas faire un tour dans les rayons livres musicaux, t'as la même chose qui existe pour les groupes actuels qui sont censés parler aux peut-être un peu plus jeunes. À la différence que c'est des groupes qui existent depuis peu, qui ont une carrière hyper courte et du coup. Je n'ai jamais lu ce genre d'ouvrage, mais effectivement, oui. Quand tu vois le peu de choses que tu peux te mettre sous la dent, des fois, avec des groupes qui ont du vécu et qui peuvent avoir un parcours, on va dire respectable, parce que long, parce que des fois, un peu à l'avant-garde de certains trucs ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand tu vois des purs produits commerciaux, sur le groupe du moment et sa biographie, je peux me demander ce qu'il y a dedans. Mais ça doit être du même ressort que ce que tu dis, à savoir du fan service. Alors, pas vraiment, dans le sens où, en fait, il y a toujours eu une édition de livres des stars du moment. Mm-hmm. Je me souviens que ce soit Britney Spears. J'ai essayé, pour l'émission, j'ai essayé de lire la biographie de Britney Spears. J'ai pas réussi à finir le premier chapitre. Mais... Il y a toujours eu des trucs un peu comme ça. Je me souviens comment il s'appelait celui qui sortait avec Laurie. Billy Crawford. Billy Crawford, merci. J'apprécie énormément ton aide, surtout que tu n'as absolument pas buté sur le mot et que tu n'as pas hésité une seconde. Donc ouais, je me souviens de la biographie de Billy Crawford qui existait. Il y avait plein de trucs, estampillé Best ou je sais pas quoi. Enfin, ça a toujours un peu existé, mais la différence là, c'est on parle de trucs qui sont soi-disant un peu underground, sur scène de Neubotten qui sont quand même considérés comme les Lord of the Underground. Les Didier Vampass, c'est quand même un groupe de punk français, même s'ils sont connus parce qu'ils ont duré, mais il explique bien que, même dans son livre, il dit ses collègues de boulot, ils ne savaient même pas qu'ils chantaient dans un groupe, quoi. Donc, c'est toute une frange de la musique underground qui arrive à en écrire des livres. Alors que là, ce dont on parle, effectivement, c'est vrai que je ne suis pas allé voir dans les rayons de Cultura ou même sur Amazon s'il y a des livres qui parlent du groupe, comment il s'appelle le groupe, on va voir si tu trouves tout de suite aussi, le groupe coréen. Sur quoi, BTS ? Voilà. BTS, des bouquins, tu dois en avoir une dizaine. Une palanquée. Mais bon, oui, bah voilà. Moi, je parlais vraiment plus des trucs qui sont estampillés un peu punk et tout ça, quoi. Voilà. Qui s'adressent en fait à des fans comme nous, mais moi, j'ai jamais demandé en fait à lire la biographie de Didier Vampass et je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Je préfère écouter les disques. Mais excuse-moi de te couper, par rapport au titre du coup, punk ouvrier, il y a un peu de contenu là-dessus ou ça se cantonne au fait que lui il a souhaité garder sa carrière professionnelle en dehors de la musique. Ça va pas beaucoup plus loin. C'est pas spécialement un manifeste politique. Non, c'est pas un manifeste. C'est pas un manifeste. C'est son point de vue et son histoire, mais vis-à-vis de sa carrière plus qu'autre chose. Voilà. Et tu vois, tu disais que t'étais pas arrivé à lire la biographie de Britney Spears au-delà du premier chapitre. Moi, c'est un roman de Patrick Hudlin. D'ailleurs, je sais même plus le titre. Mais c'est rare. Je peux lire des bouquins des fois qui me plaisent pas et aller jusqu'au bout parce qu'on sait jamais. Mais un roman de Patrick Hudlin, j'ai dû lire un ou deux chapitres et j'ai laissé tomber tellement je trouvais ça pourri, quoi. Ah, mais bon, Patrick Hudlin, c'est encore un autre délire. Mais bon. On est à une demi-heure d'émission. On va faire une petite pause musicale. Et on continue d'échanger, Ben, hors antenne, pour via nos téléphones pour voir quel morceau on mettra. Bah, si tu te souviens encore comment ça marche sur la console, on peut. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, on va... Tiens, pour une fois, je vais le dire un petit peu avant. On va écouter Laure Marling. Et c'est un morceau... Alors, attendez, c'est... Je crois que c'est ça. Et c'est un morceau qui s'appelle Child of Mine. You and your dad are dancing in the kitchen. Life is slowing down, but it's still bitching. I got myself a ride, but I could break it. My back is still as strong as I can make it. Plus you're mine. So who would rush right through? Child of mine, child of mine, child of mine. Everything you want is in your reach right now, and anything that's not, I have to teach somehow. Everything about you is intuitive, so those who miss the point might rush right through it, 'cause it's fine. Get to, I've spoken to the angels who protect you, because you're mine. They cast their golden light across this child, child of mine, child. On est de retour sur Radio Dio, sur le 895 à Saint-Étienne. Eh bien oui, Benjamin, tu as bien fait de te moquer de moi, parce qu'effectivement, je m'étais trompé de bouton et je n'ai pas lancé le morceau sur la bonne tranche. Résultat, nous avons eu un beau blanc de 30 secondes, je crois. Ah bon? Ouais, heureusement que tu parlais pas. Heureusement que tu parlais pas, parce qu'effectivement, là, on était sur du bon blanc. Vraiment, je pense que j'avais jamais fait aussi bien. Voilà. Il fallait une première pour cette première émission de la saison, et ça a été ça. Donc voilà, et ben ça va être ton tour. Hein. Ouais. Tu vas plus nous faire le côté, parce que toi t'es plus sérieux quand même. Toi tu lis des romans, tu vas nous faire donc le côté grande librairie de qui ou quoi. C'est ça. Et tu vas nous parler du bal des enragés, c'est ça? Du bal des folles. Le bal des enragés, c'est ton côté punk qui parle. Voilà, le bal des folles de Victoria Mas et de Leurs enfants après eux, qui avait eu le prix Goncourt, je crois, il y a quelques années. Un truc comme ça. Et pour le coup, comment on dit, hasard du calendrier, le film est sorti la semaine dernière, je crois, l'adaptation du livre. Hasard du calendrier, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qui m'a décidé à lire le bouquin, c'est justement quand j'ai vu qu'ils en avaient une adaptation. Il a eu le Goncourt en 2019, un truc dans le genre. Alors moi, j'avais l'impression que ça faisait 2 ans ou 3 ans, tu vois. Donc voilà. Mais le Covid est passé par là et le temps a explosé ou implosé, je ne sais pas. Mais oui, quand ça fait plusieurs années que des gens autour de moi me disent ah, c'est quand même vraiment vraiment bien. Et quand j'ai vu qu'ils en faisaient une adaptation, je me suis dit qu'avant de me faire ou spoiler ou d'en avoir ras-le-bol de me fader de la promo à gauche et à droite, j'allais lire le livre et c'est ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas commencer par vous parler de nos enfants après eux, leurs enfants après eux, pardon. Je vais commencer par vous parler du bal des folles de Victoria Mas. J'ai dû entendre parler de ce bouquin au moment où une adaptation, encore une fois, a été faite. Ça devait être pour Netflix, je crois. Par Mélanie Laurent, me semble-t-il. Et déjà, ça pourrait m'inciter à ne pas m'intéresser au livre en soi. Je ne tiens pas Mélanie Laurent pour une grande comédienne. En ce qui concerne la réalisatrice, je n'ai pas vraiment d'avis. Mais lors de la promo de son adaptation du livre, on parlait du 19e siècle, d'une œuvre féministe qui traite de l'aliénation et en particulier l'aliénation des femmes. Et quelque part, c'est des sujets qui m'intéressent. J'ai un penchant léger, mais pour tout ce qui a trait, pour tout, c'est beaucoup dire, pour des choses qui ont attrait à la folie, à l'aliénation. Donc je me suis dit à la rigueur pourquoi pas. Alors Victoria Mas, ça m'avait mis un peu le doute, donc j'avais vérifié à l'époque que ça puisse que ça ne soit pas la fille de. Alors la fille de qui, Axel? Allô, allô. Oui oui, je t'écoute, j'écoute. J'ai la fille de qui à ton avis? Mais tu me l'as déjà dit, tu me l'as dit, donc c'est pas du jeu. Elles ont le même nom de famille. Oui. Et donc, Billy Crawford. Voilà, c'est ça. J'avais vérifié que Jeanne Mas. Victoria Mas ne soit pas la fille de Jeanne Mas. Et je crois qu'à l'époque, j'avais rien trouvé. Bref, je m'étais gardé ça dans un coin de tête. Ma compagne avait regardé le film qu'elle n'avait pas trouvé bien, je crois. Et moi, comme je suis un peu vieille école, je me dis toujours, ouais, puisque ça m'intéresse, je lirai le livre avant de éventuellement regarder le film. Et puis, il s'avère que le bouquin, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Oui. Et j'y ai vu un signe et je me suis dit tiens allez je le prends et allez banco comme disent je le prends et puis on verra bien et puis je pense que dans un moment où je savais pas trop quoi lire je l'ai ressorti et donc Le bal des folles c'est un livre comme je le disais qui se passe à la fin du 19e siècle. On suit deux parcours, on va dire, celui d'une infirmière en chef, un truc comme ça, qui travaillerait à la Salpêtrière pour le docteur. Alors attends, c'est lequel? C'est Charcot, c'est ça? Je sais même plus. Oui, vas-y. Et on suit aussi une jeune femme de bonne famille voilà, qui elle commence à avoir des apparitions. Voilà, elle, des morts lui apparaissent pour lui parler et donc ça, c'est quelque chose qui commence à l'intéresser. Donc voilà, on a d'un côté l'asile d'aliénés de la Salpêtrière. Non, ça ne va pas être Charcot, enfin bref, je ne sais même plus. Et de l'autre côté, cette jeune fille. Et puis, cette jeune fille, à un moment, se sent de confesser ce truc, le fait qu'elle voit des morts. Elle en parle à sa grand-mère parce qu'elle doit voir apparaître son grand-père, un truc comme ça. Et puis, la grand-mère la dénonce auprès de sa famille. Et puis, bah, à l'époque, dès qu'une femme, le propos féministe, il tient essentiellement à ça. Dès qu'une femme sort un peu du rang, elle passe pour folle et on va la faire enfermer plutôt qu'elle ne fasse honte à toute la famille. Et donc voilà, cette jeune héroïne qui se retrouve enfermée à la Salpêtrière et qui rencontre cette infirmière en chef, assistante du professeur. Et elle voit qu'elle-même a vécu un drame familial puisqu'elle a perdu une sœur plus jeune. Et cette jeune femme qui est internée sur ordre de son père voit la sœur de cette infirmière en chef et donc commence un dialogue. Et puis est-ce que cette femme va l'aider à sortir de la Salpêtrière, etc. J'irai pas plus loin dans le déroulé de l'histoire. Je crois que ça s'est déjà un peu senti. J'ai été passablement déçu par la lecture de ce bouquin. Les descriptions mais sont à tomber. C'est incroyable. En gros, tous les intérieurs bourgeois sont les mêmes. Hein. Tous ont genre des moulures au plafond, des lustres en cristal et des bustes en marbre. C'est à peu près le summum de la description. On sait à peu près, le soleil traverse les fenêtres, les portes grincent. Il y a tout ce truc-là. On nous parle beaucoup de ce qu'on voit à travers les fenêtres, que ce soit le soleil ou la neige qui tombe ou machin, et toujours les mêmes portes qui grincent, etc., etc. Donc, en termes de description, c'est relativement mauvais. Et puis, en matière de féminisme, il s'avère que les professeurs de médecine prévalent sur les infirmières en chef et ils font bien peu de cas de leur avis, etc. Donc, c'est pareil, ça vole quand même pas super haut. Moi, c'est pas un livre que je vais conseiller du tout, sauf peut-être pour les plus jeunes. Et ce livre a eu, je sais plus quel prix, peut-être le Goncourt des lycéens ou un truc comme ça. Et effectivement, ce que on a eu l'occasion d'échanger un peu autour de ce bouquin-là. C'est méchant et ça peut paraître méprisant auprès des lycéens, mais en gros, ça va pas forcément chercher plus loin. Ça peut intéresser des jeunes lecteurs. Et auquel cas, si ça les intéresse, qu'ils y aillent. Mais j'ai envie de dire que, enfin, tu sais, comme certains films, y a certains films qui sont très bien quand t'as jamais trop vu de films. Ça, c'est peut-être très bien quand t'as jamais lu grand chose. Mais pour quelqu'un, pour des vieux comme nous, qui avons déjà vu des films ou qui avons déjà lu quelques bouquins, je vois vraiment pas l'intérêt. S'il y avait un message féministe à faire passer, il y avait sans doute plus pertinent à faire que d'aller chercher la médecine du 19e siècle, parce que je pense que le sexisme il existe encore en médecine aujourd'hui. Donc s'il y avait vraiment un propos féministe important à défendre, je vois pas l'intérêt de le diluer dans un siècle lointain, parce que ça commence à être lointain maintenant, le 19e siècle. Et puis en termes de style, c'est pas terrible. En termes de récit, c'est pas fou non plus. Donc c'est vraiment pas génial. Et du coup, je rebondis parce que je viens de vérifier. C'était le Renaudot. Le Renaudot des lycéens. Attends. Respectivement, le deuxième. C'était un prix des lycéens. Ça, je me souviens. le Renaudot des lycéens et qu'en plus, elle a eu plein d'autres prix avec ce truc, enfin avec ce livre, pardon. Le prix Première Plume et le prix Stanislas du premier roman. D'accord. Alors, c'était pas son premier bouquin, mais je crois qu'avant, elle a fait des livres de cuisine ou un truc comme ça, non ? Je sais plus. Alors là, je suis en train de... Bah si, parce que le prix Stanislas, ce ne sont que... Pardon. Le prix Stanislas, ce ne sont que des premiers romans. Oui, mais elle avait déjà été éditée. Je vois qu'elle a sorti un bouquin en anglais qui doit être antérieur à tout ça. Sur Peut-être que la règle, c'est le premier bouquin en français. Mais bon, oui, bon, voilà. Oui, et puis le premier livre de fiction, parce que voilà, elle avait sorti, je crois qu'elle a fait une partie de ses études aux États-Unis, et elle avait sorti genre un bouquin, tu vois, donc de la fourche à l'assiette, version écrit en anglais. Donc elle était déjà dans le milieu de l'édition, même si effectivement elle n'avait pas forcément sorti encore de fiction ou de roman. Bref, ouais, je trouve pas ça super. Et du coup. Alors, je t'arrête. C'est là qu'on voit le sérieux avec lequel on prépare nos émissions. C'était un livre de cuisine avant. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Oui, c'est ce mais que j'ai dit. C'était pas un roman, quoi. Non. Son premier truc édité, c'était un. Ouais, mais je l'ai dit, Axel, tu m'as pas écouté, c'est tout. C'était un livre de cuisine. Oui. Voilà, en anglais. Bon, voilà, ça c'est une chose, mais. Voilà. Et donc, je sais pas. Du coup, je me suis dit que j'allais me rabattre, tu vois, sur quelque chose dont on m'avait dit que c'était de qualité. C'est donc là qu'arrivent Nicolas Mathieu et leurs enfants après eux, avec la temporalité, dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'espèce de couperet de attention. Il y a une adaptation qui arrive. Il va y avoir sans doute de la promo dans tous les sens. Donc, avant d'en être complètement dégoûté, lis-le. Et pour le coup, j'ai décidé de parler de Nicolas Mathieu en regard de ce livre de Victor Yamas, parce que c'est un peu l'opposé stylistiquement. Déjà, il y a un style littéraire que je n'ai pas vu chez Victor Yamas. Et là où ses descriptions à elle sont mais d'une pauvreté, mais enfin voilà, hein, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tu rentres dans un intérieur bourgeois, donc elle te dit c'est un intérieur bourgeois, donc il y a des bustes en marbre et je ne sais quoi, des moulures au plafond. Ça se tient à ça. Quand les personnages traversent Paris, c'est un Paris où il n'y a que des gens bien habillés, tu sais, élégants, etc. Alors je me dis, est-ce que c'est une volonté de dire tu ne vois que tes semblables? Tu vois, quand tu es un riche bourgeois et que tu traverses Paris en calèche, tu ne vois que tes semblables. Ou est-ce que vraiment la documentation n'est pas allée plus loin et que au 19e siècle, il n'y avait jamais un travailleur qui traversait Paris? Enfin, bon, j'ai tendance à aller vers le deuxième, tu vois, la deuxième hypothèse, à savoir que, elle n'a pas bossé plus que ça. Enfin, c'est à peine écrit son truc. Alors qu'effectivement, chez Nicolas Mathieu, après, on en pense ce qu'on en veut, mais effectivement, il y a un style. Il y a un style et il y a un art de la description et un art de la narration et de l'ellipse. Et il y a des moments où, tu vois, en fait, le livre est composé de différentes parties et il y a des espèces de cliffhanger à la fin de certaines parties. Et quand la partie suivante démarre, on te dit pas forcément la résolution du cliffhanger, c'est celle-ci. La résolution, tu vas la voir au fil des pages, enfin tu vois, quelques pages plus loin, où il va te glisser que désormais telle chose se passe comme ça, et tu te dis ok, il y avait hypothèse A, hypothèse B à la fin de ce cliffhanger, et effectivement c'est l'hypothèse B qui s'est déroulée, mais il t'en fait pas un pataquès. Donc pour ceux qui auraient échappé à la promo de Leurs enfants après eux à l'époque et alors à la promo du film aujourd'hui, il s'agit en fait d'un livre qui parle en gros d'adolescents dans les années 90, l'âge que, enfin moi j'étais adolescent dans les années 90 et Axel tu n'y as pas échappé non plus. Et du coup je trouvais ça intéressant, enfin c'est intéressant de voir un roman comme ça qui arrive et qui traite de trucs. Tu vois, tu parlais de la nostalgie par rapport au vent passe tout à l'heure. Quelque part, on se rejoint un peu là-dessus. Ce livre parle des années de notre adolescence. C'est pas une hagiographie des années 90. Le livre se passe dans le nord de la France, et donc un nord qui est dévasté par les fermetures d'usines, etc., etc. Les mines qui ont fermé depuis déjà une décennie ou deux, et puis toute l'industrie du métal qui se casse la gueule. Donc c'est pas un truc spécialement enchanteur, mais du coup je peux dire j'y étais entre guillemets, même si j'ai pas vécu dans le nord, mais j'ai vécu ces années-là, et c'est plutôt bien rendu. Et Nicolas Mathieu, effectivement, il a un style, il a une écriture. Il sait faire une description en peu de détails. Alors, la question que je peux me poser par rapport au livre, et à laquelle moi je n'ai pas de réponse directe, c'est est-ce que, quand on n'a pas les références, on va tout piger ? Tu vois, je vais dire une connerie, mais je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais il va parler, par exemple, de la télévision qui diffuse le Big Deal. Ouais. Et ça, il le fait pas gratuitement. Il le fait pour décrire ce qu'est entre guillemets les émissions populaires de l'époque et à quoi peut ressembler ce monde dans lequel une émission comme le Big Deal pouvait être très populaire. Alors du coup, il y a plein de petites choses comme ça qui sont glissées. Là, mon exemple est un peu grossier, mais il y a plein de trucs assez fins sur l'époque. Et je me demande du coup comment tu perçois ça. Pour un jeune lecteur d'aujourd'hui, tu vois, si ça fonctionne aussi bien, parce qu'a priori, il y a beaucoup de références qui pourraient lui échapper. Mais voilà, moi, l'envie, elle était là, si tu veux. Après, pour ça, moi, je pourrais... Nous, on a tous les deux lu des livres de films, des livres qui se passaient 30 ans avant. C'est-à-dire que nous, quand on était donc dans les années 90, des livres qui se passaient dans les années 60, on va dire. Eh ben moi, pas tant que ça en ce qui me concerne. D'accord. Ok. Et puis donc tu vois, enfin ton avis m'intéresse là-dessus, mais moi pour le coup, j'ai pas forcément ce. Moi, dans ma jeunesse, je ne m'intéressais qu'aux gens qui étaient morts depuis un certain temps. Tu vois, aller chercher un peu les grands classiques, etc. Enfin, les grands classiques, pas forcément. Oui, mais t'étais pas non plus dans le 18e siècle, quoi. Si. Peu importe. Mais non, mais je veux dire, je vais pas rentrer plus dans le détail. Ça pas. Pas forcément d'intérêt, mais toi tu penses avoir lu ça, des bouquins qui se passaient Alors des livres pas forcément, mais en fait quand je t'entends là, je pense à des films, genre je pense, ouais, à Hairspray de John Waters, ouais, qui se passe dans les années fin 50, fin 60, un petit peu précurseur de la lutte pour des droits civiques aux États-Unis, qui va documenter un petit peu ça. En fait, on n'a pas les refs, mais on a l'ambiance. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, après, ça participe du fantasme. Donc, moi, j'appelle ça fantasme, mais du fantasme de cette époque. On fantasmait cette époque, etc., etc. Qu'on pouvait... c'est sûr qu'il y a plein de choses, plein de références où ne serait-ce que, par exemple, la pochette des Who, où ils font des fausses pubs, là. Ouais. Je ne me souviens plus quel album c'est, parce que je n'ai jamais été fan des Who. Et, Get Your Yeah Yeahs Out. Ouais, voilà. Et ben, non. Je sais que c'est... Je crois que c'est des parodies de pubs qui existaient en fait. Oui. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais si tu veux, on peut essayer de trouver un panel d'adolescents et les forcer à le lire. Mais c'est ça, vous les adolescents de France qui nous écoutez ce soir. Voilà. Lisez avant d'aller voir nos enfants après eux. Lisez le livre pour nous dire si vous arrivez à en saisir une. L'essence, ça normalement je pense qu'il est suffisamment bien écrit pour ça, mais tous les détails, mais a priori les détails quand ils t'échappent, tu sais pas que c'est des détails. Donc voilà, je voulais mettre un peu ces deux bouquins en opposition par rapport à ça. Il est pas tout à fait dans le temps présent, puisque donc son récit se passe il y a une trentaine d'années, mais tu vois, il est pas allé forcément chercher le 19e siècle. Pour autant, il parle quand même beaucoup de la société finalement dans ce bouquin à travers ses différents personnages. tu as une description, par exemple, de ce qu'est le réseau quand tu vis dans un monde un peu, on va dire, petit bourgeois, et que tu vas faire les bonnes écoles, et qu'ensuite, tu vas dans ces bonnes écoles te créer ton réseau, et que finalement, que tu sois bon à l'école ou pas, tu vas t'assurer une certaine réussite professionnelle et sociale. Voilà, il y a quelque chose, il y a des trucs. Enfin, c'est un bouquin qui est quand même assez ancré effectivement dans le social et la critique de la société de l'époque et un peu de celle d'aujourd'hui. Mais c'était ça. Moi, ce qui m'a vraiment choqué et ce qui m'a donné envie de les mettre en parallèle, c'est d'un côté un style absent et des descriptions nulles et non avenues, et de l'autre quelqu'un qui en quelques mots, en quelques phrases, il a un style très rapide. Enfin, très rapide. Il va quand même à l'essentiel dans ses descriptions. C'est souvent des descriptions de peu de phrases, de peu de mots. C'est ce qui m'a donné envie de les mettre en parallèle, ces deux bouquins-là. Donc, je conseille effectivement la lecture de Leurs enfants après eux. Alors, j'arrive un peu tard. Hein. En 2019, il avait le prix Goncourt. Je dis, moi, je connais quand même vraiment pas mal de monde autour de moi qui a lu ce bouquin. Mais pour le coup, ça vaut la peine. Et alors après, on aurait pu en profiter si on avait préparé cette émission. Pour quand même un tout petit peu. Tout à l'heure, tu parlais de ces bouquins pour les fans. Tu vois, est-ce que ça a un intérêt au-delà des gens qui sont fans de l'artiste du groupe en question? Moi, je me pose des questions. J'ai pas vu l'adaptation, mais je sais déjà que l'affiche, et si j'ai apprécié le bouquin de Nicolas Mathieu, pour autant, je me sens pas, je me sens pas avoir besoin de le défendre bec et ongles en disant d'une adaptation, mon Dieu, ça serait pas fidèle, ou il y a tel ou tel truc. Mais ceci dit, l'affiche du film, me gonfle. et j'en parle parce que c'est désormais la couverture de la réédition du bouquin. Tu sais bien, comme à chaque fois, quand un film sort adapté d'un livre, et quand ils rééditent le bouquin, ils mettent l'affiche du film. Et il y a une symbolique sur l'affiche du film qui n'existe pas dans le bouquin, et ça me dérange profondément. D'accord. Voilà, mais ça c'est très accessoire. Est-ce que c'est bon pour toi ? Écoute, oui, j'ai déjà fait suffisamment long pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire. on va dire, c'est aussi un petit peu dans l'ADN de l'émission, comme j'ai dit. alors là, je vais quand même mettre un petit morceau, pas long, 2 minutes. On va dire que c'est toi qui l'as choisi, celui-là, même si tu n'es pas au courant. Ça s'appelle Flat Earth et c'est du clowncore. Cool. voilà, c'était fini, c'est fini pour le Clowncore. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Et je vous conseille d'aller voir le clip. Oui, oui, bah on, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, enfin tu l'avais partagé. Ouais, c'est ça. On va finir donc là-dessus. Enfin, on s'est mis d'accord pour deux morceaux des Vampasses. Ça changera un petit peu sur les bandes de Radio Audio. Merci Benjamin. Je t'en prie, Axel. Merci de ton invitation. On se voit dans un mois. Je crois que c'est le 8. Même le 9 janvier, un truc comme ça. Mm-hmm. Parce que le 30. Le 8. Le 8. Non, le 9. Attends. Ça voudrait dire le 2. Ouh là là. Oh là là. Alors attends, jeudi 2. Mon Dieu, oh là là, tout ce qu'on va préparer comme émission, ça va être de la folie. Ah, moi j'ai de quoi parler, mais j'ai beaucoup des BD. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de BD. j'aimerais bien, justement, à propos de Preacher, j'aimerais bien regarder la série pour pouvoir comparer un peu les deux, parce que la série est disponible sur Netflix. J'aimerais bien voir ce qu'ils en ont fait. En plus, il y a plein de choses à dire, parce que c'est une série du scénariste de The Boys. Qui est une autre série qui a énormément de succès sur Amazon Prime et machin. Donc il y a pas mal de choses à en dire. J'ai bon espoir aussi de lire des livres sans images. Mais en tout cas, moi, j'ai de quoi faire sous la main. Il faudrait que j'appelle Le Rieur Sanglier, justement, l'autre émission qui parle un petit peu. Il parle que de BD. Mais parce que vraiment, j'ai de quoi faire pour le coup. J'en ai bien mis dans ma besace, là. D'accord. Bref, mais on en reparlera hors antenne. On se finit sur les Vampasses. Allez. Allez, ben, le 2, hein, normalement. Bon, on va voir si on tient. Et puis ben voilà, on s'enchaîne, on a dit Trop précieux et Bloc de glace, voilà. Des vents passent. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et bon apocalypse. Ouais. On décide sans faire semblant que ce sera comme ça la réalité. So good.